je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, la, la. Je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Bien-aimé, réalise si réellement tu as Jésus dans ta vie. Cette parole. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 25, le verset 26. La Bible dit ceci. Je parlais de Jean 11, le verset 25 et le verset 26. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, s'il y a des choses qui étaient mortes en toi, sache que Jésus est la résurrection et la vie. Ça veut dire, il va ressusciter ces choses-là et il va t'accorder la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, j'aimerais que pendant cette période pascale que nous allons passer, que chacun tire réellement des résultats palpables. Ne passe pas à côté. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier, qui va déclarer cela. Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai parce que je crois en toi. Est-ce que tu peux les déclarer? Élève ta voix. Élève ta voix et commence à les déclarer. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Jésus est la résurrection et la vie. Et ce soir, Jésus t'amène la résurrection et la vie. Les choses qui étaient détruites, les choses qui étaient volées, les choses qui étaient mortes vont ressusciter ce soir. Prie le Seigneur, élève ta voix, prie, déclare, je ne mourrai pas, je vivrai parce que la vie en Christ est en moi. Alléluia. Que nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour le début de ce séminaire avec comme thème du séjour de mort à la résurrection. Et nous sommes dans la joie parce que ce séminaire est animé par notre Père, le pasteur Désiré qui est là présentement au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa présence? Sans plus tarder, nous allons l'inviter et pendant qu'il passe, nous acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Quelques acrobates ici pour être là, mais nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous voulons nous recommander à la grâce de Dieu, que Dieu prépare nos cœurs pour la parole de ce soir. Merci Seigneur, c'est toi qui nous as gardés. Tu nous as dit, vas-y et parle sur ça. Prépare nos cœurs à recevoir cette parole très importante. Pour notre vie, pour l'Église, pour ton peuple. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants pour ta fidélité. Reconnaissants pour ton amour. L'amour de Dieu ne change pas. Même quand nous traversons les épreuves. Alléluia. Ton amour ne change pas. Même quand nous ne nous t'aimons pas assez. Ton amour ne change pas, même quand nous sommes dans des moments où nous pleurons. Tu es l'être le plus constant, le plus parfait. Quand tu as dit que tu nous aimes, tu nous aimes. Rien ne peut te perturber. Et ça me rassure que j'ai un Dieu constant, fidèle. Oh, que ton nom soit béni. Tu nous dis quand vous irez à la montagne pour adorer, personne ne convoitera votre territoire. Oh merci Seigneur, parce que ce soir tu es le gardien de nos maisons, tu es le gardien de notre héritage, tu es le gardien de là où on devait être ce soir. Mais à cause de ton nom, on a dit non, on ne va pas là-bas. Je t'aime, Seigneur, je te bénis. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons passer une semaine ou quelques jours d'intenses prières par rapport à ce travail de Pâques, du séjour des morts à la résurrection de Jésus-Christ. Du séjour de mort à la résurrection de Jésus-Christ. Nous parlons souvent de la mort de Jésus-Christ à la croix et de sa résurrection. Il m'a paru nécessaire et même très nécessaire cette fois-ci de parler de ce que Jésus-Christ a fait quand il est descendu dans le tombeau. Sa mort devait être constatée d'abord. Il fallait que quelqu'un constate qu'il est réellement mort. Qu'il établisse un certificat de décès. Pour que le monde entier sache qu'il est mort. Afin que les promesses de Dieu pour nous se réalisent. La mort de Christ a été certifiée. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Parce que le testament devait entrer en vigueur. Sababu agano ilipaswa kuwa na bei yake sasa. Je suis en train d'introduire. Hapa tunafaa kiingilio. Pour que nous puissions ensemble comprendre les bases. Ili tuelewe wote pamoja kuelewa misingi vizuri kabisa. Toujours dans l'introduction, Hébreux chapitre 9 verset 16 à 17. Hébreux 9 16 à 17. Hébreux chapitre 9. Waibrania 9 verset 16 à 17. 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alléluia. Amen. Donc la mort de Jésus-Christ, c'était une obligation pour Dieu. C'était une preuve d'amour de Dieu pour nous. On ne pouvait jamais recevoir ses promesses si le testateur n'était pas mort. Sinon, le testament n'allait pas entrer en vigueur. Mais comme tout testament, il fallait qu'un officier de l'État puisse attester que Jésus est mort. Le certificat de décès n'est donné que par un officier de l'État. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Verset 37 à 39. 37 à 39. Marc 15, 37 à 39. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui a commencé à déchirer. On ne l'a pas vu, c'est Dieu lui-même. Le centenier. Donc c'est un officier romain. Qui était en face de Jésus. Voyant qu'il avait expiré. Dans notre version, on dit qu'il a dit, cet homme est mort. Et assurément, c'était un fils de Dieu. Quand il a constaté la mort de Christ. Quand il a déclaré qu'il est mort. Le voile a été déchiré. Les morts sont ressuscités. On le verra dans la suite. Et le testament est entré en vigueur. Alléluia. Amen. Jésus est mort. Mais Jésus n'est pas mort de la mort comme tout le monde. Il est descendu dans le séjour de mort pour un travail. Vous comprenez, je ne vais pas trop m'attarder sur le fait qu'ils sont morts à la croix. Mais je vais m'attarder sur le fait qu'il est descendu dans le séjour de mort. Ça signifie quoi? Quand il a expiré, expirer c'est enlever tout le souffle. Je comprends très bien que le souffle que nous avons, c'est seulement pour maintenir le corps en état d'être sur la terre. La terre, ce n'est pas pour les esprits. La terre c'est pour les humains. C'est pour les gens qui ont un corps. Et pour que le souffle habite sur le corps, il faut qu'il soit dans un corps pour qu'il habite sur la terre. C'est comme ça que même les esprits Atama, romba limbali. N'ont pas droit d'opérer sur la terre. Aistaili kutumika padunia. Tant qu'il n'y a pas un corps là où ils peuvent habiter. Kama mwili mwili watengena kuikala, hainamo. C'est ça le principe de Dieu. Injo kanuni ya Mungu. Même Satan, même les esprits des ténèbres. Hata Satan na mapepo ya kimashetani. Doivent choisir un corps. Wanapaswa kuchagua mwili moja. Pour justifier leur présence sur la terre. Rappelez-vous de ces démons. Des Gadaréniens. Dans Marc chapitre 5. Cet homme qui était possédé par une légion. Les démons ont supplié Jésus-Christ. Envoie-nous même dans les pourceaux. C'était la justification pour leur présence sur la terre. Quand Jésus a autorisé, ils sont partis là-bas et les pourceaux ont été noyés. Ça signifie que l'esprit ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. L'esprit est libéré pour une vie après la mort physique. Donc quand quelqu'un meurt, c'est le corps qui meurt. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le corps devient froid. On appelle le cadavre. C'est l'esprit qui maintient le corps en chaleur. C'est le Saint-Esprit qui nous maintient en chaleur. C'est Dieu qui nous maintient en chaleur. Si l'esprit est retiré, le corps devient froid et le corps n'a plus de place sur la terre. On doit lui chercher un endroit en dessous de la terre et on doit l'amener dans une tombe. Donc quand Jésus a été constaté ou déclaré mort, le centenier a dit cet homme est mort. Pilate, Hérode, tous les officiers ont compris que Jésus était mort. On a brisé les jambes des autres. Mais arrivé auprès de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit aucun de ses os ne sera brisé. On devait constater la mort pour qu'on ne puisse pas briser ses jambes. Et quand on a constaté la mort, on a dit non. Lui, il est déjà mort. Les autres, on devait faire ça pour accélérer la mort. Et quand il est mort, l'esprit est parti dans le séjour des morts. Alors, deuxième point, là, il est en train d'introduire. Je voulais parler de quelque chose. Que Jésus-Christ lui-même a annoncé qu'il irait dans le séjour de mort. C'est Jésus lui-même qui a annoncé cela. Que je vais aller dans le séjour de mort pour faire un travail. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42. Matthieu chapitre 12. Matthieu sura ya 12. Verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il demande à Jésus-Christ. Nous voulons te voir faire un miracle. Jésus leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Verset 41. Rentrez au verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et trois nuits dans le sein de la terre. Amen. Verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Verset 42. La reine du midi, bon, ça on peut laisser. Qu'est-ce que je veux dire? Les scribes et les pharisiens ont demandé un miracle. Mais Jésus parle de Jonas. Dans le ventre du poisson. Et il dit, c'est ce qui va lui arriver aussi. Ce qui s'est passé avec Jonas dans le ventre du poisson. Pendant trois jours. C'est ce qui va se passer avec Jésus-Christ. Pendant trois jours. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas pendant trois jours? Jonas chapitre 2 à partir du premier verset. Yona sura ya pili mstari ya kwanza. Avançons ensemble pour qu'on puisse poser des bases et comprendre ensemble. Aidez-moi à stabiliser l'écran ici parce que je ne sais pas lire. Ça bouge tellement. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Verset suivant. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Ah bon? Donc, il n'était pas mort dans le ventre du poisson. Il avait le temps de prier. Et Jésus dit ce qui s'est passé avec Jonas. C'est ce qui va se passer avec moi, Jésus-Christ. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Écoutez très bien. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc Jonas est arrivé dans le séjour des morts. Et Jésus a dit, ce qui est arrivé à Jonas va m'arriver. Vous cherchez un miracle? Je vais vous donner le miracle de Jonas. Verset suivant. Alors, tu m'as jeté dans l'abîme. Donc, le séjour des morts, il appelle aussi abîme. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Verset suivant. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. C'est aussi la fosse. Alléluia. Amen. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, apparemment la technique nous lâche, il n'y a pas de souci. Ah, c'est revenu. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Suivant. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux. Verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. Les scribes ont dit à Jésus-Christ, tu as fait beaucoup de miracles. Maintenant, là, nous te demandons un miracle. Jésus dit, non, je ne vais pas vous donner un miracle. Je vous donne le miracle de Jonas. Israël connaissait très bien le miracle de Jonas. Israël est formé vizuri kabisa mujiza ya Yona. Ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ. Yenye kwa kupendeza pamoja na Yesu. Bien-aimé, tout ce que dit l'Ancien Testament, les Écritures, il les a accomplis. Nous allons le voir. Ile yote ngando la kale ile kusema alitimiza. Donc on en a parlé dimanche, il a accompli toutes les Écritures. Yakama alitimiza andiko yote. Donc Le séjour de mort, c'est appelé aussi l'abîme, c'est appelé aussi la fosse, c'est appelé aussi le cœur de la terre. Alors Jésus a dit, ok, je vais mourir, mais pendant les 3 jours, je serai dans le séjour de mort. Alors Pierre aussi en parle. Alors, je suis en train de poser les bases avant de commencer le travail de cette semaine. Actes chapitre 2, verset 22. Pierre dit ceci. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'on va vraiment parler des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous parle de séjour de mort. Le séjour de mort, c'est un lieu où après la mort, les gens se retrouvent en attendant la résurrection. C'est en même temps un lieu spirituel. Parce que ce sont des esprits qui se retrouvent là. On l'appelle abîme. On l'appelle séjour de mort. Très bien. En swahili, c'est le mot grec Hadès. En swahili, on l'appelle Hadès. Hadès, en swahili. Sheol. Sheol. Tout ça, c'est le séjour de mort. Il y a une picture de Hadès. Et Jésus, quand il est mort, on parle de la mort de Jésus-Christ à la croix. Et puis tout d'un coup, on parle de sa résurrection. Mais Jésus n'est pas resté les bras croisés pendant les 3 jours. Pendant les 3 jours, Jésus a fait un travail. Et c'est de ce travail dont nous voulons parler nous aussi pendant ces quelques jours. Et vous allez voir l'importance de ça quand Dieu est en train de parler de ces choses. Et ça va vraiment nous aider. Si nous comprenons tout ce qui s'est passé dans le séjour des morts, qu'est-ce que Jésus a fait? Alors le point 3, je commence notre enseignement, les activités de Jésus-Christ dans le séjour des morts. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le séjour des morts? Parce que nous parlons du séjour des morts à la résurrection. Apocalypse chapitre 1er verset 18 ou 18 à 19. Apocalypse 1er 18 à 19. Commençons même le verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Écoutez bien, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Seigneur qui a les clés de la mort et du séjour des morts? C'est au pluriel. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les deux vont ensemble. C'est comme les deux jumeaux. La mort et le séjour des morts. Et nous allons le voir pendant ces jours. Et c'est pourquoi j'ai dit que nous voulons prier pendant ces jours. Si Dieu vous met à cœur de jeûner, allez-y. Parce que c'est très important pour notre vie. Jésus est descendu dans le séjour de mort. Descendre signifie qu'il a fait des batailles. Jésus a livré bataille pour arracher il y a pokonye les clés de la mort, mafungulo yote ya kifo, les clés du séjour de mort, na mafungulo ya adese. Il devait arracher, ne pas soit pokonye. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui les garde. Pourquoi mutu alikuwa nayo? Donc pendant les trois jours, akadiri ile masiku tatu, Jésus devait arracher les clés. Yesu alipaswa pokonye ile mafungulo. Si il y a des clés, comme kuna kwa mafungulo, c'est qu'il y avait des portes. Maana kulikuwa na milango tena vile. Il y a des portes. Huko milango. Que Jésus devait défoncer. Il est Yesu alipaswa kukaza. Il y a des portes. Kuna milango. Pour lesquelles Jésus devait arracher les clés. Il est Yesu alipaswa kupokonya mafungulo. Et c'était très important. Que Jésus aille dans le séjour de mort. Il a fait un travail. Pendant sa vie. Ce travail serait inachevé. S'il n'est pas descendu dans le séjour des morts pour arracher les clés. Alléluia. Amen. Parce que les clés sont importantes pour des portes. Matthieu 16, 18, Jésus dit ceci à Pierre. Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes. Na milango. Alléluia. Amen. Et les portes. Na milango. Donc Jésus prévoyait qu'il y avait les portes du séjour des morts. Bien-aimé. Il y a des portes. Na na milango. Du séjour des morts. Ya deze. Et de la mort. Et ces portes ont des clés. Et Jésus, pendant ces trois jours, il devait descendre dans le séjour des morts pour arracher les clés de ces portes afin que et la mort et le séjour des morts ne puissent pas dominer sur nous. Deuxièmement, c'était pour avoir la décision d'ouvrir et de fermer. Parce que ouvrir et fermer revient au geôlier. Nous allons le voir. La tombe, c'est comme une prison. Et c'est vraiment une prison. Le mort, c'est le prisonnier. Et le diable, c'est le geôlier. Voilà comment ça s'enchaîne. Il lui revenait, il avait la décision. Quand il dit à quelqu'un, tu vas mourir. Et la personne mourait. Il lui ouvrait les clés de la mort. Il lui ouvrait la porte de la mort. Il lui ouvrait la porte du séjour des morts. Non, c'est terminé. Jésus devait lui arracher les clés. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'était aussi arracher l'autorité. de celui qu'il avait avant. C'est-à-dire avant, il avait l'autorité. Mais depuis la mort de Jésus-Christ, le diable n'a plus l'autorité sur les séjours de mort. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Seigneur? Il n'a plus l'autorité. Jésus-Christ a arraché l'autorité. Désormais, la mort n'a aucune autorité sur ta vie. Même le séjour de mort, ça n'a pas d'autorité. Oh, c'est pourquoi Jésus peut dire aux brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a démontré que c'est lui qui a l'autorité. Dans Luc 24, 42 ou 43, il dit aux brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est Jésus qui a décidé. Alléluia. Amen. Ça signifie qu'après la mort, Jésus est resté vivant. Son esprit est resté vivant. Arracher les clés de la mort et du séjour. Alléluia. Amen. Quatrièmement, quelles sont ces clés-là? Voilà où nous allons commencer maintenant. Il dit, je tiens les clés de la mort et je tiens les clés du séjour de mort. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de la première clé que Jésus-Christ a arrachée. Et nous allons prier. Nous allons prier pour ça. Oh, c'est merveilleux. Que le Seigneur puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider vraiment. Nous sommes dans un moment de Pâques. Nous enseignons et nous prions. Ma prière est que après ce moment que nos vies changent réellement. Nous voulons parler de la première clé. Jean chapitre 5 verset 21 à 26. Jean chapitre 5 La Bible nous dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ça c'est merveilleux. Il ressuscite les morts et il donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus donne la vie à qui il veut. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 54. 1 Corinthiens 15. Je commence à partir du verset 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la victoire? J'appelle ma confie, quoi dire au Shindi à Yesu. Ok, dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, on nous a dit, il est parti arracher les clés de la mort et du séjour de mort. Et ici, nous voulons voir les différentes clés que Jésus a arrachées. Et si vous retenez ces choses, bien-aimés, ça va vous donner une autre dimension dans votre foi. Ça va vous permettre de vivre autrement. Vous savez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'ennemi travaille pour nous assujettir. Avant-hier, je parlais à quelqu'un de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne dépend même pas de tes problèmes. Et la personne s'étonnait parce que je lui disais ces choses. Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Même quand tu pleures, hata wakati unalia, il t'aime. Yeye anakupenda. Même quand tu lui as fait du mal à Dieu, il t'aime. Ce n'est pas que j'encourage, non. C'est le principe de Dieu. Alors finalement, je dis, mais pourquoi tu me dis tout ça? Je te dis tout ça pour que tu comprennes en aucun cas tu peux t'éloigner de Dieu. Quelle que soit ta situation, ingawa aina na hali yako, de preuve, d'humiliation, unalia, de honte, unahaya, viens. Wewe kuja tu. Dans ta tête, mets-toi que Dieu m'aime. Kichwa yako tu, semezana kama Mungu huyu ananipenda. Et le diable veut te montrer que non, l'amour de Dieu dépend de tes performances. Shetani anapenda kuonesha kama upendo wa Mungu unafanya vile uko. Si tu as bien prié, kama uliomba vizuri kabisa, Dieu t'aime parce que tu as bien prié. Parmi nous, Mungu atakupenda sababu uliomba vizuri. Si tu as bien chanté, kama uliomba vizuri kabisa, Dieu t'aime parce que tu as bien chanté. Non, Mungu anakupenda sababu uliomba vizuri. Hapana. Tu chantes mal, que tu pries mal. Uimbe mzuri, uombe vibaya. Dieu t'aime. Oh bien aimé, c'est l'être qui est constant. Son amour pour nous est constant. Et c'est pourquoi il nous demande toujours d'aller vers lui. Alors la première clé que Jésus devait arracher, c'était la puissance de la mort. La puissance de la mort. Pour anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Jésus devait venir donner la vie. Et il est descendu dans le séjour des morts pour arracher celui qui détenait les clés de la puissance de la mort. Il y a des gens qui sont bloqués par la mort. Oh, nous allons prier, bien-aimés. Pâques, c'est la délivrance. Hébreux chapitre 2, verset 14. Et Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Il devait anéantir. Il ne veut pas se moutiller, se pondre. La puissance de la mort. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oh bien-aimé, il va arriver un moment donné. Ça, il n'y a que Jésus qui a fait ça. Les gens étaient bloqués. Mort dans la mer, mais bloqué là. Kufia ndani ya bahari, mule chini wanabakia mule. C'est vrai qu'il y a des corps qu'on repêche. Akika kuma mwingine banilokotaka. C'est des corps. Ni mwili. Mais ici le séjour de mort. Hapa sasa mwadeze. Dans la mer, mule chini ya bahari. Il y a des gens que le diable bloque là. Huko bale shetani kamata mule chini. Et c'est comme ça que Jésus dit. Ni vile Yesu anasema. La mer. Bahari. Rendit les morts. Ilitoa wafu wake. La mort et le séjour de mort. Kifo na adeze. Rendit les morts. Na ilitoa wafu wake. Pendant les trois jours. Kadiri ya siku tatu. Jésus a anéanti la puissance de la mort. Yesu alitisha uwezo wa kifo. Oh frères et sœurs. Basi nduku na dada. Il n'y a personne. Akuna qui écoute ce message et qui sera bloqué par la puissance de la mort. Na bono katika uwezo ya kifo. Alléluia. Amen. Lorsque une personne est condamnée par les portes de la mort, wakati mtu anahukumiwa kupitia milango ya kifo, on dit que la mort l'avale. Banasema kifo kinamumeza. Comme Jonas a été avalé. Vile Yona naye alimezwa. Avalé et bloqué dans le ventre. Kumumeza anabakia ndani ya tumbo. Ce que je dis. Et niko nasema. Mettez-moi un peu Ézéchiel chapitre 37 verset 12. Ézéchiel 37, 12. Ézéchiel 37, 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. J'ouvrirai. Ta fungula. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui étaient fermées. Milango ingine kwa sio kufungiwa zamani. Vous comprenez pourquoi Jésus a arraché les clés. Motele kwa nini Yesu alipokonya ile mafungulo. Lorsque une personne est condamnée par les portes, il est avalé par la mort. Wakati mtu anahukumiwa na milango na kifo kinamumeza. Maintenant, comment les portes de la mort fonctionnent? Milango ya kifo inatumika namna gani? Les portes de la mort, milango ya kifo, envoient parmi les enfants de Dieu ou envoient dans le monde, par exemple, des maladies incurables. Inatumaka mudunia, mamagonjwa yasipo kutunziwa nayo. Quand les portes de la mort s'ouvrent, wakati milango ya kifo inafunguka, c'est des problèmes qui sont libérés. Maana yake ni mambo ya kuachana inatoa. Qui feront que les gens vont rentrer, vont seront avalés et revenir vers la mort. C'est comme ça qu'il y a des familles, il y a des personnes. Les portes de la mort sont ouvertes sur leur vie, sur leur maison. Ça touche non seulement la vie physique de l'homme, mais ça touche toute la vie, c'est-à-dire les affaires, les études, yote, le travail, kazi, les portes de la mort. Milango hii ya kifo. Vous avez comme une sorte de malédiction répandue sur vous. Mikoshi mingi kabisa inakuwa juu yenu. Pour terminer par la mort. Na mwisho yote ni kufariki tu. Vous tuez physiquement. Kukua kumwili. Tuez vos affaires. Kukua biashara yako. Tuez toutes ces choses. Kukua vitu yako vyote. Et comment ces portes s'ouvrent? Sasa hii milango inafunguka namna gani? Généralement. Mara mingi. Les portes de la mort dans la vie de quelqu'un. Hii milango ya kifo maisha ya mwanadamu. S'ouvrent par des alliances. Inafunguka kupitia magano mbalimbali. Les alliances contractées. Magano ili weze kufanika. Bien-aimés, nous sommes dans une semaine très décisive. Tuko mujuma moya ya ajabu kabisa. Et pendant que nous prions, nous parlons. Hapa tuko naomba na kusema. Ça fait déjà une ou deux semaines que je prie pour ça. Kadiri ya juma mbili na yeombea. Regardons dans nos vies. Tuone kwanza maisha yetu. Quand on parle des alliances. Akisema kuhusu magano. Ce n'est pas toi nécessairement. Haina zaidi ni wewe. Ces alliances peuvent commencer peut-être avec les grands-parents, avec les parents, avec les parents des parents des parents, les ancêtres. Ils ont contracté des alliances avec le diable, c'est-à-dire ils se sont engagés à donner accès au diable. Et quand ils ont fait ces alliances, l'ennemi a ouvert les portes de la mort. Et c'est comme ça qu'il y a deux vies. Où ces portes de la mort sont ouvertes. Ah, ce soir, nous voulons anéantir la puissance de la mort. Mais nous devons d'abord briser les liens, l'impact des alliances mauvaise dans nos vies. Vunja kwanza ile yote inakuya vitu vifungo ilifanyika ilifanyika zamani. Tu n'étais pas là. Zamani wao kuwako. Vous savez, il y a des tribus. Kuna kwa makabila mengine. Je parlais avec quelqu'un. Nilizungumzia kuhusu mtu mmoja. Qui est jumeau. Yeye ni wa mapacha. Mais son jumeau est déjà mort. Ule mpundu wake safariki. Alors je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais pasteur, quand il y avait la lune, nous étions des petits. Il y a des choses qu'on faisait chez nous à la maison. Et puis il me dit, mais moi je ne le savais pas, je dis, ce n'est pas ta faute. Vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent, ce n'est pas notre faute. Mais c'est question de prendre conscience et de dire, Seigneur, ça, je dois arrêter. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la faute. Vous êtes des enfants. Votre père ou votre mère meurt. Et il y a des gens, la famille les soumet à des pratiques compliquées. Se préparer à manger. Et les gens mangent. Na, là aussi, les gens vont manger. On leur met des pemba. Pemba. Il y en a qui pensent. Il y a peut-être une année ou deux ans, j'étais à Kambove, là. Quoi, on a eu la visite de tous les chefs coutumiers. Mukumbi. Des pandas. Luambo, tous les gens qui sont venus. Et les Chinois prenaient plaisir pour la Pakala Mampemba. Ils traversaient. Eux-mêmes disent que, ah, tu occupes pas ça, c'est Junico Pasteur. Frère, je ne suis pas contre Mukumbi, je ne suis pas contre Luambo, je ne suis pas contre. Je ne sais pas, ça vient d'où là. Je dis, il m'a dit, wapi. Moi, je ne suis pas contre Mukumbi, je ne suis pas contre. Je dis, non, vous passez. Et les Chinois étaient contents, ils venaient me montrer leur joie. C'est votre problème. Les alliances. Magano. Ésaïe chapitre 28, versets 15 à 18. Isaïe 28, 15 à 18. Je pense qu'aujourd'hui, on va seulement à la première clé parce que c'est une introduction. Et demain, nous allons voir la deuxième clé. Okay. Le pouvoir de la mort. Ueso ya kifo. La troisième question, c'est l'autorité de la mort. Ya tatuni, mamlaka ya kifo. Je pense que demain on va parler de ces deux clés qui amènent les morts prématurées dans nos vies. Mais aujourd'hui, parlons d'abord de la première clé et ayons le temps de prier. Ésaïe 28, 15 à 18. Écoutez ce qui se passe. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Il y a des gens qui continuent à faire des pactes. Des pactes. On m'a même dit ce qui me... Je donne déjà conseil à mes jeunes gens. Même si vous aimez de n'importe comment. Ton sang et mon sang, qu'on le mette ensemble. Pas dans la ville. On m'a dit qu'il y a encore des jeunes gens qui font des choses comme ça. Dans ce siècle-ci. Vous faites une alliance. L'un meurt. L'autre le suit. Et que tu dois mourir comme ça. À cause des pactes. Quoi dire ma patane? Mais je bénis le Seigneur. Parce que nous allons prier aujourd'hui. Pour détruire un peu certaines alliances dans nos vies. Si vous vous êtes marié. Vous avez fait ce pacte-là. Priez pour ça. Et comme, je vais dire ça en Swahili, à regarder que prêtre Yahweh Moya, c'est ça, tu dois aller voir quelqu'un. Ah, on a pas encore notre mungine. Tu dois prier pour toi. Vire ça, ça ujombe. Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Comme ça, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vous voyez ce que Dieu dit? Pourquoi les gens font des alliances? Pourquoi les gens vont chez les mifumu? Bien aimé, j'élève ma main. Même si tes pieds sont déjà entrés dans la maison d'un mufumu, tu es entré en communion avec ses esprits. Il faut prier ce soir. Parce qu'il y a la mort et le séjour de mort. Les deux vont ensemble. Nous allons le voir. Nous allons voir, je pense que demain. Même l'ombre de la mort. Il y a l'ombre. Ce n'est pas encore la mort, c'est l'ombre. Mais ça doit terminer par la mort. Tu dois prier. Non, ne me sentis pas ma mango tout. Il y a un mambo qui nous sentit comme yombayango, sangajiango, kamboyango. Non, frère. Un des grands problèmes que nous avons en Afrique. Ce n'est pas qu'en Europe, les gens sont saints, non. Il y a tellement de pactes et des alliances qui nous compliquent. Les gens meurent quand ce n'est pas leur temps. Les gens ne savent pas percer à un certain niveau. À cause des alliances. Et ici, on nous dit que ils ont fait des alliances comme pour dire que comment vite n'inga bato toba soda, écoutez-moi aussi parce que j'avais un oncle militaire, je sais ce que je suis. Comment vite n'inga quand la guerre vient chubishimi bande pour que vous ne soyez pas atteint mukureibi mangez ceci faites ceci. Il y a des alliances comme ça kokomagano ya ile namuna on dit que quand ça va déborder ase wakati bita pita mingi kabisa qu'on soit atteint. Touché, goussoué. Quand mon famille m'a dit à maman, Si dans une famille, il y a un problème, mais que notre maison soit épargnée. Alors vous avez fait une alliance. Oui, merci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour, appui n'aura point hâte de fuir. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle et la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge des alliances qu'on a vu au premier verset. Ok. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Alléluia. Amen. Je récapitule et on va prier maintenant. On va prier. Tutaomba. Aujourd'hui, nous voyons la première clé. Le tutaona tu ni fungulo ya kwanza. Nous disons ceci. Tunasema hivi. Quand Jésus est mort, wakati Yesu alifariki, on a amené le corps balileta mwili yake dans la tombe. Banaingiza makaburi. C'est un caveau. Ilikuwa ni kaburi. Et c'est comme si on a amené le corps dans une prison. Ikusaba likamata mwili banaingisha mugereza. On a fermé. Kisha banafunga. Physiquement vous voyez que vous amenez là. Kwa mwili unasema kuna watu maiti pale. Ça ressemble à une prison. Alakini kwa kiroho inaonekana kama ni gereza tu. Donc il y a de vie. Qui sont emprisonnés par le séjour des morts. Donc le travail de Jésus serait inachevé s'il n'était pas descendu dans le séjour des morts et arraché les clés à celui qui les avait. S'il a arraché les clés, c'est qu'avant lui, il y a quelqu'un qui avait les clés. C'est-à-dire le diable. Il avait les clés de la mort. Il avait les clés du séjour des morts. Et Jésus est parti les arracher. Pourquoi nous disons ça? Dans Matthieu chapitre 6, quand Pierre donne la révélation à Jésus-Christ, Jésus lui dit: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort. Donc Jésus révèle déjà qu'il y a des portes qui amènent la mort. Mais à ce moment-là, Jésus n'a pas donné tous les détails. Mais nous avons compris déjà qu'il y a des portes dans la vie qui amènent la mort. Mais je bénis le Seigneur parce que quand il est mort à la croix, il devait descendre dans le séjour des morts. Pourquoi nous disons qu'il est descendu dans le séjour des morts? Les scribes lui demandent un miracle. Jésus dit: je ne vais pas vous donner un miracle que celui des gens. Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours dans le séjour des morts, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours. Donc Jésus précise déjà que pendant les 3 jours, il va descendre dans le séjour des morts. Il va les livrer bataille pour arracher les clés de la mort et arracher les clés du séjour des morts pour notre vie. Et c'est très important. Nous avons dit en introduction, ce jour-là, il y avait 3 personnes. Jésus et 2 autres brigands. On devait constater la mort. On ne peut pas enterrer quelqu'un si il n'est pas encore mort. Enterrer, c'est prendre, c'est enterrer. C'est le Les définitions simples, hein, ce n'est pas le dictionnaire. La terre est là, et on prend quelqu'un, on le met en terre. C'est ce qu'on appelle enterrer. Donc c'est terre, et puis vous précédez avec un. Donc on met quelqu'un dans le sein, dans le ventre de la terre. Et c'est ce qu'on appelle l'abîme. C'est ce qu'on appelle l'Hadès, ce qu'on appelle le Sheol. On met quelqu'un dans la terre. C'est comme ça que Jonas dit, les barres de la terre m'avaient bloqué. Les barres de la terre m'avaient bloqué. Je suis descendu jusqu'à la racine des montagnes. Mais dans mon séjour de mort, j'ai prié. Ok. Donc dans le séjour de mort, le corps est mort, l'esprit n'est pas mort, l'esprit est bloqué dans le séjour de mort. Ça signifie que la mort sur la terre, c'est le corps qui devient cadavre, mais l'esprit quitte le corps. Et nous avons dit que c'est l'esprit qui réchauffe le corps. La température de l'homme est de 37 degrés, normal. Mais quand il n'a pas l'esprit, le corps devient froid. Donc c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous le voyons en pratique. Alors, Jésus connaissant cela, il devait descendre là au fond pour arracher les clés. Il y a plusieurs clés. Et à travers la Bible, j'essaie de trouver cinq clés. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première clé. C'est-à-dire que la Bible nous dit dans Hébreu que Jésus devait anéantir la puissance de la mort. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est l'exercice libéré de la force intrinsèque. C'est ce qu'on appelle puissance. C'est-à-dire que la force est là. Si elle se manifeste pas, elle est force. Mais si elle se manifeste, elle devient puissance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la mort devient puissance parce que se manifeste. Alors Jésus devait aller là-bas pour anéantir la puissance de la mort. Donc la mort ne va plus commencer à agir avec autorité et puissance. Jésus est parti arracher cette clé. Quand il est arrivé là-bas, la première clé, il est dit, la première porte, c'est la puissance de la mort. J'arrache cette clé au diable qui l'avait. Et désormais, tu n'auras plus la puissance de la mort. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi et décider qui va mourir et quand il va mourir. Frères et sœurs, ce n'est ni au diable, ce n'est ni aux sorciers, ce n'est ni aux hommes qui décident de ta mort. Jésus-Christ a arraché la clé de la puissance de la mort. Alléluia. Amen. Il est parti dans le séjour de mort pour arracher cette clé. Mais nous avons dit que cette porte est souvent ouverte par les hommes eux-mêmes en passant par les alliances. Il y a des alliances que nous faisons inconsciemment ou consciemment. Nos pères ont fait, nos grands-pères, nous-mêmes, à travers certaines circonstances, généralement à cause de la peur. Quelqu'un dit non, à quoi, parce que je ne veux pas que telle chose m'arrive. Je fais ça. Oh bien-aimé, nous devons prier aujourd'hui. D'abord, nous allons prier pour détruire les alliances et la puissance de la mort. Je ne comprenais pas ces choses. C'est maintenant, en méditant la parole de Dieu, que je commence à comprendre. Je vais donner un petit témoignage et nous allons prier. J'étais en première secondaire. Mon autre frère cadet était en deuxième primaire. Quand notre papa est décédé, c'était, ils étaient à 5 dans leur famille, 5 hommes. Le premier est mort, le deuxième est mort, le troisième est mort. Il n'en restait que deux. Lui et son grand frère est né. Lui, il est mort. Le grand frère aîné, je pense, c'est maintenant que je comprends, Nazania à cause de la panique. Quoi dire, y a boka y a mkubwa yake. À ce moment-là, il était chef de division de l'urbanisme à Kananga. Alikuwa chef de division ya urbanisme pale Kananga. C'est là que j'ai appris qu'à Kananga, boulot, j'y vais. C'est là où j'ai appris que cela ne tienne, nous allons prier. Tout à omba, toi, je sais que peut-être qu'on est de Kananga, de Mujima et de Katanga, c'est partout. Hein. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de sorcellerie. Alors, en parlant avec lui après, parce qu'après, avec le full gospel, d'ailleurs, aujourd'hui, j'exhortais une autorité qui m'a fait ces reproches-là. Il dit, pasteur, ma maison est en train de se détruire. Full gospel, chaka kwenda wapi? Où est parti full gospel? Et je lui pose la question, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, à Lumbashi. Lumbashi. Je lui pose la question, c'est quoi le problème? Mambo ni nini? Il dit, dans ma maison, tous mes enfants qui sont prophètes sont embrouillés, ils sont embrouillés par les prophètes. Au point où mes filles, on ne les épouse pas. Il y a un garçon qui voulait se marier. Il a terminé son master en Belgique. Il vient dans leur église, il trouve une fille. Ça c'est aujourd'hui. Et un prophète lui dit non, Mungu anasema ulo na bibi yako. Alors il me dit, pasteur, qu'est-ce que je fasse quoi? C'est compliqué. Kigumu kabisa. Vous voyez, c'est compliqué. Iki gumbu kabisa. Alors, mon oncle là est entré dans ce qu'on appelle l'ousse l'ouébé. L'ousse l'ouébé ou l'ouébé, quelque chose comme ça. Moi, je ne savais pas. Mais monsieur quand Kujua, il venait à la maison, il entrait en marche arrière. Quand il venait à Kunyumba, il venait à Kiamukongo. Ah! Comme ça. Je venais à Kunyumba, Kiamukongo. Tu connais ça? J'ai déjà entendu ça. Et bien aimé. Alors, donc, je ferme la parenthèse. Nafunga mukato pale. Je comprends. Minelewa yakama. L'homme, à cause de la peur, Muntu juu ya boka, il entre dans des alliances compliquées. Aningia katika magano yenye kuachana. Compliqué. Bintu bya ngufu ngufu. Dieu merci. Asante bwana. Je bénis le Seigneur pour ça. Avant qu'il ne meure. Tunabariki bwana kwa ajili mbele ya kufa. En dernière année, il chasse tout le monde. Il dit, allez, partez tous. Désirez que ton Dieu me guérisse maintenant et je me réponds. Je dis, non, faisons le chemin inverse. Papa, répentez-vous et Dieu va vous guérir. Il dit, je suis d'accord. Tubu, Mungu, c'est mon papa. Ule ni baba yangu. Ça, écoute ma vie. Shikia maisha yangu. Shikia maisha yangu ni hivi. Shikia, shikia. Écoute. Écoute, on a fait ces 1h30 ou 2h à 2. Il avait plusieurs femmes, tout le monde dehors. Et puis il me dit, tu ne leur dis pas. Quand je termine, on était à la barre, j'entre dans la maison. Maman et tous les enfants me disent, maman, tout ce que ton père t'a dit, je ne dirai absolument rien. Je n'étais même pas pasteur, j'ai dit chitasse. Je ne dirai absolument rien. Et je suis rentré le lendemain matin. Il n'a plus parlé. 4 jours après, il est là. C'est fermé et 4 jours après, il est mort. Je porte son nom. Effectivement, je porte son nom. Il m'appelait Magina. Pourquoi je prie moi-même? Je dis, Seigneur. Les noms ici, c'est des problèmes. Les alliances, je prie moi-même. Il faut prier. Donc, je ferme la parenthèse. Les alliances, c'est justement à cause de la peur. Les gens entendent des alliances. Et Jésus est descendu pour détruire la puissance de la mort. Vous savez, quand on fait des prières comme ça sur la mort, pendant ces jours-ci, fais un effort de marcher dans la sanctification. Si tu peux jeûner, jeûne. C'est trois jours. Hein? Tu ne mourras pas. Ce n'est pas obligatoire. Hein? Celui qui peut le faire. Il sent que sa vie, il y a des portes qui sont ouvertes. La porte de la puissance de la mort, c'est une porte qui s'ouvre et on t'envoie des maladies généralement incurables, des problèmes qui n'ont pas de solution. C'est jusqu'à t'amener. Quand tu meurs, l'esprit te lâche. Parce que l'esprit doit aller chercher encore un autre corps. Donc l'esprit est en train de t'amener au bord. Tu te dis, je dois me suicider. Il, pour toi, tu vois que c'est un grand problème. Alors qu'il n'y a pas de grand problème. Et dès que tu tombes, l'esprit te lâche. Il va encore chercher quelqu'un d'autre qui a ouvert la porte. C'est pourquoi nous voulons prier. Comment tu as fait? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Aujourd'hui, j'ai introduit. On a pris un peu de temps. Mais demain, on va commencer directement avec la deuxième clé et la troisième clé. Comme il n'y a pas beaucoup de jours, c'est cinq clés. Mais je vais terminer les cinq clés vendredi. Aujourd'hui, je parlais d'une clé. Donc, j'ai deux jours, deux clés, deux clés. Lève ta main là où tu es. Nous voulons prier d'abord. Bien-aimés, nous voulons détruire les alliances. Peut-être que tu ne le sais même pas. Nos parents ont fait des alliances. Oh bien-aimés, j'aimerais que tu pries comme moi. Surtout les gens qui ont connu des problèmes dans la vie, dans la famille. Bien-aimés, ce soir, il dit, Seigneur, après la Pâque, que les vies changent. Nous voulons être légers. Tu vas détruire les alliances, les pactes dans la famille, peut-être même toi-même. On a même dit qu'il y a des hommes et des femmes qui font des alliances de sang. Non, bien-aimé. C'est mauvais, c'est mortel. Si tu es dans ce cas-là, tu dois me voir. On doit prier pour toi. C'est des liens très forts. On doit prier et briser ces choses. Mais nous voulons prier. Nos grands-pères, nos parents, nous-mêmes, à cause de la peur, il y a eu des alliances, il y a eu des paroles d'alliance, il y a eu des gestes d'alliance. Oh frères et sœurs, des familles polygames, ça se passe généralement comme ça. Je sais ce que je dis. Nous devons prier pour contre et détruire ces alliances au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Mangaribi Aleo. Mangaribi yale. Malliance yote. Malliance yote. Ina touche maisha yangu. Ina touche maisha yangu. Ikwe ya bazazi. Ikwe ya bazazi. Ikwe ya bankambo. Ikwe ya bankambo. Ikwe ya masemo yangu. Ikwe ya masemo yangu. Ikwe ya banduku yangu. Ikwe ya banduku yangu. Ile malliance yote. Malliance yote. Ina kuna impact pa maisha yangu. Ina kuna impact pa maisha yangu. Bila ipomona. Ipomona. Na kuikatala. Na kuikatala. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, commence à prier, lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, j'ai détruit les alliances. J'ai détruit les alliances. Toutes les alliances qui ont été faites par mes parents, par mes ancêtres, sur moi-même, qui touchent à ma vie et qui ont fermé les portes. de la puissance de la mort. Ce soir, je l'ai détruit. Ce soir, je l'ai détruit. Au nom de Jésus, papa, l'Ikerebosa, Yeke. Au nom de Jésus, je l'ai détruit. Pomona, Pomona Magariale, Pomona et les Marias, Pomona et les Marias, détruis ces alliances, les alliances de la mort, les alliances qui ont ouvert des portes, détruis ces alliances, Pomona, Pomona et les Marias, Pomona et les Marias. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Pomona, toutes ces alliances qui ont ouvert les portes sur ma vie, ce soir, je les détruis. Au nom de Jésus, les alliances du sang, les alliances des tribus, des fétiches, orgueux, sur ma vie, qui touche à ma vie, qui touche à mon nom, qui touche au nom de mes enfants, qui touche à la vie de mes enfants. Ce soir, je viens les détruire, au nom de Jésus.